chave, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, chave, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, chave, tu deux. Menteur, ne fais pas le fric et tu mens, mythomane, tu deux. T'es bon qu'à jacter, tu mens, mythomane, mythomane. Un peu de jack, t'es dans la gasoline. Laisse-moi, j'plane dans la Merco Benz, Banks. Et c'est papy qui conduit. Vroom, vroom. J'fais le tour de Seymar, pas les couilles, il se fait tard. J'rode en ville, la Matrix en costard. Cigare, posé au bec, il faut le compte en Suisse. T'alors j'avais les crocs posés dans les terrasses avec une gadget. Elle m'a dit que j'étais beau, elle c'était une bombasse, elle avait le corps à Kylie. Mais elle parle trop, elle marche trop, elle mange trop, mais je donne trop, elle colle trop, elle crie trop. Nachave, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, nachave, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, nachave. Ouais mon ref, la charte de chez Saint Laurent. Lève t'en fais pas la meuf, je la regarde tous en mec. Froid, 9, 3 sur le bond, j'ai toujours le sac au rang. Mais mon frère ce soir y'a des gars qui va dire avec moi. J'ai la pêche des quartiers là, j'ai un d'arracher leur pas de fils. Dans le risque, on est disque de témoins. Vraiment bien, t'es vraiment bien. Mais lâche un peu parce que je crois que t'es vraiment plein. Barcelone, Genève, que je m'en fume en Perse. Les LC, je la lève, c'est le casse dans verre. Toi tu parles trop, bois trop, gueule trop, bave trop. Nachave, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, nachave, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, tu deux, deux, deux, deux, deux, deux, nachave, tu deux. T'alors j'avais les crocs posés dans les terrasses avec une gadget. Elle m'a dit que j'étais beau, elle c'était une bombasse, elle avait le corps à Kylie. Mais elle parle trop, elle trop, elle mange trop, ment trop, elle colle trop. Sus trop, nachave, tu deux.